Mwen ka pran bout kod la Mwen ka mare le mwen Pou mwen hay fetre mwen E gate san ni mou mwen La isi zè mwen fini Mwen ka pran gon wwa Mwen ka leve zye mwen Pou mwen mande kouaj A la divinite Oui, pe pa mwen en manye pou mwen pa sa senti l'ami se mwen l'ami se mwen bon Dieu fais-moi